viens pas me parler de tes sales trucs, moi je m'emballais. Donne-moi une arme au cas où Jean-Marie voudrait m'emballer. Non, mon arme c'est mon peur à que je vais embellir. À base de mon frère, rien à voir avec vos délires. Car moi je suis là, je sais pas pourquoi, mais peut-être bien pour faire des gosses. Chose est sûre, ils sont plus bas avec moi. Donc pour toi, plus féroce. Car pour toi, c'est foncé dans le suspect. Pour toi, si je suis blanc, plein d'amour, c'est que je t'ai trompé. Je suis même pas désolé, mec, je t'ai pas sonné. Je tire la sonnette d'alarme dans nos rues, t'as tout gassolé. Et si je braille, si je crie donc ça aujourd'hui, c'est que TF1 m'a mis la rage d'hier à aujourd'hui. Comment ça, ton parti serait démocratique? Mais comment ça, le vote fasciste devient automatique? Plus personne retire tes autocollants. Faut-il rappeler quand tes discours on ressent des vieux relents? Ton parti fondé à peine après la fermeture des camps par des Waffen SS, comprend ma détresse. Électeur, je veux bien jouer le rôle de l'opticien, mais n'oublie pas que ton gourou n'est pas là pour être à tes petits soins. Aux petits chiens qui suivent le grand mouvement, désolé pour ma violence, mais je mets rarement des gants. Malgré tout l'extrême droite, on peut pas l'arrêter. Mais le pourcentage d'Alzheimer est trop grand pour qu'on puisse m'arrêter. Son essai pas, 20% c'est pas encore 80, mais c'est pas une raison pour ne pas agir. Avril 2002, faut-il le rappeler? La haine s'enseigne pas, faut-il le rappeler? Faut-il le rapper ou se taire, te happer ou laisser faire? Constater la mort des frères, pénés par des traînés. Nos femmes sont pas des traînées, nos gosses sont pas saignés. Tu fais de moi un écorché. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Ouais, faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut agir et pas se dire, on va essayer. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut réagir, sinon à l'avenir on va le payer. Moi j'ai pas le temps de m'adresser poliment à Marine, c'est de manière violente. Je viens agresser tous les fachos de Paris, anti-skinhead. Depuis l'époque des raids, Châtel, les catacombes et les virées souterraines portent le bomber. Noir pour la couleur, 4-0 avec une loupette, mais je suis pas un crooner, faut pas te louper. Toi, tu portes la croix, gamée, chez nous les crânes rasés sont cramés. Quand on se croise dans la rue, c'est eux ou nous, c'est un mou. Prends tes jambes à ton cou, fais ta nounou, ils ont des milices dans leur rang et même des ministres. Tu comprends pourquoi à nous il faut qu'on milite, nerf de bœuf. Tu t'es jamais pris dans les jambes, moi si. Maintenant tu sais pourquoi j'ai la haine quand je te sens ici. Y'a pas de cinéma, des hautes scènes jusqu'en Seine-et-Marne. On en a marre de voir le FN laisser des marques. Je veux pas de politique, j'suis de la KDB putain zik. Mais je vais pas laisser ces bâtards casser du noir. Armez vos fusils, les vols passés les mois. C'est la guerre civile, on risque d'y passer des mois. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Ouais, faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut agir et pas se dire, on va essayer. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut réagir, sinon à l'avenir on va le payer. T'as des mensonges, des statiques, des faux songes, moi saltrique. Reste où elle est, j'vais pas me salir sur toi malgré l'électrique ambiance. Les refrains dans le samedi dorment dimanche. Au lieu de t'évo, faire une révolution avec des pattes et des manches. Son prime cool, les fous manifestent et tout découle. L'idée du PCP, SUMP, tueur sans cagoule. Hey, j'aime pas nettoyer le sang, sans déconner chien. Même toi tu dis qu'il fait mon frère, mais tu fais quand il vient. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Ouais, faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut agir et pas se dire, on va essayer. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut réagir, sinon à l'avenir on va le payer. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Ouais, faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut agir et pas se dire, on va essayer. Faut se réveiller. Faut se réveiller maintenant, maintenant. Faut se réveiller, plus le temps de bégayer. Faut réagir, sinon à l'avenir on va le payer.